Livre 3e. Le vaccin. Chapitre 1er. Action spéciale du vaccin sur la peau. Le vaccin n'a aucune action, ni chimique, ni thérapeutique sur la variole, il agit exclusivement sur la peau, la saisit dans son ensemble, la resserre, contracte les pores, en supprime presque entièrement les facultés absorbantes et résorbantes, et oblitère toute la partie superficielle des conduits destinés à toute excrétion ou sécrétion. Tel est le théorème complexe que nous allons démontrer, la tâche nous sera facile. Nous avons à notre disposition, outre nos propres travaux, tous les faits recueillis, toutes les expériences accomplies par les plus ardents adeptes de la vaccine, ils ont beau tordre les faits, interpréter les expériences, de leurs propres aveux ressort parfaitement évidente et lucide la thèse que nous soutenons. D'après les théories diverses des vaccinateurs, le vaccin agirait soit en se substituant au virus variolique, soit en le détruisant ou le neutralisant chimiquement. Or, nous allons démontrer que le vaccin n'a aucune de ces propriétés. Nous ferons voir le virus s'inoculant, se développant et suivant une marche parfaitement régulière sur des sujets déjà variolés, c'est-à-dire complètement débarrassés de toute l'humeur variolique, exactement comme il agit sur des sujets chez qui la nature n'a pas accompli son œuvre dépurative. Nous verrons, après un certain laps de temps, la petite vérole se développer sur des sujets bien vaccinés, d'autre part, enfin, le vaccin se développant de nouveau, chez des individus déjà vaccinés avec succès une première fois. Bien plus, nous ferons voir les deux virus, c'est-à-dire le virus de la petite vérole, et le virus vaccin inoculé ensemble, se développant sur le même sujet simultanément, l'un à côté de l'autre sans action réciproque, sans même que le voisinage et le contact de l'un amènent une modification dans la marge de l'autre. Enfin, après avoir démontré ainsi que la maladie que nous avons empruntée à la vache est une affection parfaitement distincte de la petite vérole de l'homme, qu'elle n'a aucun rapport direct avec elle, nous prouverons que l'action du vaccin s'exerce uniquement sur le tissu de la peau, nous le prouverons par des faits et par des observations incontestables, et d'abord par cette décoloration de la peau qui s'opère presque immédiatement après l'inoculation du vaccin, c'est là notre point de départ. Puis nous verrons les expériences de vaccination tentées par les premiers vaccinateurs sur des dartres anciennes, expériences répétées de nos jours avec le même succès par M. Bousquet, nous verrons par le même procédé disparaître les gourmes, ou exsudation de lymphe à la peau, nous suivrons le changement qui se produit presque immédiatement, dans des ulcères anciens sous l'influence du vaccin, et la cicatrisation d'abcès fistuleux dans les mêmes conditions. Enfin nous citerons l'exemple de certaines peuplades du Nord, qui s'enduisent le corps de matière grasse, oblitèrent ainsi les pores de la peau, et les conduits destinés à l'absorption et aux excrétions, nous ferons voir que ce procédé mécanique agit sur eux exactement comme le vaccin agit sur les hommes civilisés. Nous trouverons nos dernières preuves dans cette éruption irrégulière de la petite vérole comprimée par le vaccin, et s'échappant en varioloïde, pour nous servir de l'heureuse expression des vaccinateurs. Et enfin dans la fièvre typhoïde, variole complètement repoussée par la résistance de la peau, qui alors porte ses taches rosées lenticulaires, trace incontestable de la lutte, variole venant au prix du plus mortel danger, se développer à l'intérieur. Procédons par ordre, et prenons une à une toutes les propositions que nous venons d'énoncer. D'abord les réussites de vaccination sur des sujets parfaitement variolés. Hauteville avait observé ce fait dès le début de la découverte. Il avait puisé son premier vaccin, comme nous le dirons dans l'histoire de la vaccine, sur une femme variolée dans sa jeunesse, et qui venait néanmoins de contracter le copox, ce vaccin servit à sa première inoculation. Il est inutile d'ajouter que ce fait de vaccine, réussissant après variole, s'est reproduit un grand nombre de fois, sans que les vaccinateurs voulussent jamais y voir un enseignement. Nous ne pouvons citer toutes les observations de ce genre, nous nous contenterons d'en relever une, qui nous semble suffisante par la multiplicité des cas qu'elle embrasse d'un seul trait. En 1837, l'empereur de Russie, obligé, par l'ignorance d'une grande partie de ses sujets, de faire de la propagande comme il fait de la civilisation, par ordre supérieur, à la suite d'une épidémie variolique, qui avait éclaté à Saint-Pétersbourg, décréta une vaccination générale de toute la population, la mesure fut d'abord appliquée à l'armée. Or, il arriva que sur un point de l'Empire, à Kazan, le service de santé exécuta le décret militairement, c'est-à-dire que, sans égard pour les marques les mieux caractérisées de bonne variole, sans se laisser désarmer par les cicatrices qui attestaient une sérieuse et complète épuration, les médecins vaccinèrent tout le monde sans exception. L'opération terminée, le chef du service, le docteur Gajewski, demanda un rapport officiel, qui fut rédigé par le Conseil de santé et publié sous le titre de l'inoculation répétée de la vaccine. Voici un extrait de ce rapport. En 1837, on vaccina à Kazan 1795 enfants militaires, dont 436 avaient eu la petite vérole, chez 211 de ceux qui avaient eu la petite vérole, on obtint de très belles pustules vaccinales, normales, et chez 84 des pustules modifiées. Chez 112 enfants, qui n'avaient ni cicatrice de vaccine, ni cicatrice de variole, le résultat est analogue, 33 eurent une vaccine normale, et 18 une vaccine modifiée. une autre expérience, non pas plus précise ni plus caractéristique, mais plus palpable en quelque sorte, a été faite par Hauteville, répétée par Salmade, enfin vérifiée par M. Bousquet, elle vient, sur le point qui nous occupe, corroborer notre thèse d'une façon désormais suffisante, du virus vaccin mélangé avec du virus variolique, a été inoculé à plusieurs sujets. Qu'on mêle les deux virus ensemble, dit M. Bousquet, et qu'on inocule ce mélange, croyez-vous qu'ils se neutraliseront, qu'ils s'altéreront de quelque manière? Point du tout. Il viendra deux éruptions correspondant à leur double origine. L'aveu mérite d'être noté, je crois. Ainsi il n'y a aucune action chimique de l'un des deux virus sur l'autre, inoculés tous deux à l'organisme, et le fait est grave puisqu'il frappe à la base, toute la théorie des vaccinateurs, inoculés ensemble les deux virus marchent en paix, complètement étrangers et, qui pis est, indifférents l'un de l'autre. Les pustules varioliques naissent, se développent et se dessèchent côte à côte avec les pustules vaccinales, sans déviation dans leur marche, sans affaiblissement, sans la moindre concession aux vertus du vaccin. Rien n'est plus commun que ce fait de la marche collective des deux virus, on l'a observé par l'expérimentation, comme nous venons de le voir, mais il se produit très souvent, dans des circonstances ordinaires, voici pourquoi. Toutes les fois qu'une épidémie de variole se produit, on se hâte de vacciner. Or, l'inoculation du vaccin ne fait éprouver à la peau ce changement de densité, préservatif temporaire de la variole, n'agit suffisamment sur les tissus qu'après un certain laps de temps, et il est arrivé très souvent que peu de jours après la vaccination, le sujet était saisi par l'épidémie variolique. Dans ce cas, les pustules des deux virus se développent simultanément et sans action réciproque, comme nous l'avons dit. Nous avons donc démontré que non seulement le vaccin ne se substitue pas à la petite vérole, comme M. Bousquet veut bien le dire, mais même qu'il n'assurait aucune action ni chimique ni thérapeutique. Mais il a une action, cette action commence immédiatement, elle est sensible le plus souvent 15 jours environ après l'inoculation, à ce moment, les fibres de la peau se durcissent, deviennent plus denses, les pores se resserrent, ils s'oblitèrent, les extrémités des vaisseaux capillaires cessent de fonctionner, les voies d'absorption et d'excrétion sont en partie supprimées, les terminaisons lymphatiques sont engorgées. Les sécrétions refoulées, en un mot, comme on le voit, la peau a perdu ses facultés physiologiques, elle est rendue imperméable à la petite vérole, elle est devenue un obstacle mécanique, qui s'oppose à son élimination. Les voies tracées par la nature pour l'accomplissement de ce grand travail ont été détruites. En effet, Moreau, de la Sarthe, traité historique et pratique de la vaccine, en 9, raconte en 1801 que Monnoir a vu, pendant le développement du vaccin, disparaître des maladies des paupières très rebelles, et il ajoute qu'on ne peut attribuer cette guérison à une autre cause. Il a également vu disparaître des dartres à la suite de la vaccine, et en constatant ce fait il s'appuie encore sur Blanche, chirurgien de Rouen, qui a recueilli et présenté des observations semblables. Il raconte également avec satisfaction deux faits de guérison par la vaccine, l'un dans un cas d'ophtalmie scrofuleuse, l'autre dans un cas de dartre invétéré. La première de ces vaccinations, dit-il, a été faite par le citoyen Alibert, son résultat, c'est-à-dire la guérison de l'ophtalmie, ajoute un nouveau fait à ceux que nous avons déjà rassemblés, pour prouver que dans plusieurs circonstances, la vaccine remplit un double emploi, et que tout en préservant de la petite vérole, elle fait souvent cesser plusieurs affections, dont jusqu'alors on avait pu obtenir la guérison. Il n'y avait ni hésitation, ni réflexion. La seconde observation est du Harichrand, il avait vacciné sur une surface dartreuse, or, double succès, non seulement la dartre disparaît, mais encore, vers le 9e jour, on observa une diminution dans la suppuration d'une fistule scrofuleuse, que le sujet portait dans les environs du coude. On ne parle pas des conséquences de cette suppression, il est seulement dit que d'autres enfants furent inoculés avec le vaccin provenant de ce sujet dartreux, sans que cette transmission ait donné lieu au moindre accident. Hâtons-nous de dire que dès ce moment-là même Richerand, alors attaché à l'hôpital du Nord, renonça à ces sortes de guérisons malgré les encouragements qui lui furent prodigués par Moreau, de la Sarthe, et par les journaux du temps. Mais les autres expérimentateurs n'en furent pas plus sages, on ne cessa de suivre aveuglément le même ordre d'idées, l'expérience, l'expérimentation irréfléchie, n'ont été un enseignement pour personne, M. Bousquet, dans un excès d'exploitation enthousiaste du Copox, voulant sans doute cueillir une des feuilles du laurier de Genet, prétendit qu'on laissait insoucieusement dormir une panacée, et reprit les expériences. Il vaccina sur la dartre même. En très peu de jours, dit M. Bousquet, le sujet eut l'avantage de voir disparaître sa dartre. Et l'expérimentateur heureux, se borne à cet énoncé satisfait. Il ajoute seulement que l'expérience, a été répétée plusieurs fois, et toujours avec le même succès. On alla plus loin, on vaccina sur un ovum materna, autrement dit une envie. L'expérience date de 1828, elle est racontée dans Bons Archives. Le docteur Ewing avait pratiqué autour de la tumeur sanguine, dont il est question sur cette tumeur même, un grand nombre de mouchetures vaccinales, il se forma une pustule générale qui couvrit tout le novu, la pustule se dessécha régulièrement, il ne resta plus qu'une tache superficielle, qui disparut tout à fait après une suppuration provoquée artificiellement à deux ou trois reprises, et enfin, résultat facile à prévoir. Le novu fut remplacé tout simplement, par une cicatrice ordinaire de vaccin, le premier essai tenté sur un enfant de 3 mois, fut répété dans un second cas, et le résultat fut le même. De tous ces faits, quelles explications donnent les vaccinateurs? Aucune, ce sont des faits, tout simplement, ils guérissent tout cela comme ils guérissent avec le vaccin. Comment? Peu importe. En effet, partant de leur théorie, les vaccinateurs ne peuvent même donner une interprétation de ces faits, tandis que le sens véritable de toutes ces observations apparaît naturellement quand on reconnaît l'action toute spéciale du vaccin, qui, resserrant le tissu cutané, oblitérant les pores, contracte la peau, la referme sur l'humeur dartreuse, et sur toutes les exudations, et agit ainsi contrairement à tous les préceptes de l'art. Doute-t-on de la généralité de cette action du copox sur la peau? On vaccine sur la dartre même, et la dartre disparaît, on vaccine sur la dartre, et dans le voisinage la suppuration d'une fistule s'arrête. On pourrait croire qu'il s'agit seulement d'une action locale plus ou moins restreinte, mais le docteur Kraus, dit Schutzpoken un pfingignirant en lichant en Chedungun. Pages 303 et 354, nous racontent que l'inoculation, vaccine agit d'une façon sensible sur toutes les plaies de la peau, à quelque distance qu'elle se trouve du point d'insertion du virus. Ainsi, dit-il, les plaies de la peau, les ulcères et même les éruptions deviennent plus rouges, même enflammées pendant le cours de la vaccine. De plus, aussitôt qu'apparaît l'aréole des pustules vaccinales, il se montre à ces plaies, ulcères, éruptions, etc., une espèce d'aréole qui disparaît en même temps que celle des pustules du vaccin. Un fait d'un autre ordre, mais plus caractéristique encore. Les nègres libres, les hottentots, les tartares et certaines peuplades du Nord ont l'habitude de se frotter le corps de différentes graisses, la malpropreté vient ajouter encore à cet enduit, et les pores se trouvent ainsi complètement bouchés. Alors, qu'arrive-t-il? L'éruption de la petite vérole, au moment où elle veut se faire, est obligée de déchirer violemment la peau. Alors la pustule, et la cicatrice qui en résulte, présentent exactement les mêmes irrégularités que dans la petite vérole, qui affecte les individus vaccinés. L'action du vaccin est différente, mais elle produit un effet exactement pareil sur la peau, dont elle resserre les tissus. Nous devons, par esprit de justice, avant d'aller plus loin, dans l'exposé de notre théorie, faire connaître la théorie des vaccinateurs sur le mode d'action de leur virus, afin de mettre ainsi le lecteur à même de juger et de comparer. Nous prendrons celle de M. Bousquet, dont l'Académie de médecine se fait en quelque sorte solidaire par le rôle officiel, qu'elle lui confie toutes les fois que la question de vacciner est soulevée. Cherchant à s'expliquer le mode d'action du virus vaccin, M. Bousquet nous apprend qu'à l'inverse de ses prédécesseurs, qui n'ont vu dans ce virus qu'un spécifique, qui en ont fait une espèce de phénomène en thérapeutique, une exception singulière en pathologie, lui ne veut pas pénétrer cette question dans la crainte de voir, tout le mérite de l'opération, s'évanouir devant l'analyse. Les vertus du vaccin semblent, donc à M. Bousquet bien fragiles, bien superficielles, bien légères, illusoires peut-être. Serait-ce comme ces dieux d'Égypte, si soigneusement enveloppés et cachés au fond d'un obscur sanctuaire, les prêtres font prosterner la foule, mais à distance, car de près, à Dieu le prestige, que découvre-t-on? Un scorpion, un morceau de bois, ou rien? Monsieur Bousquet, qui au fond, je crois, grâce à ses études sérieuses sur la question, pourrait bien être de notre avis au sujet de la petite vérole et des mérites du vaccin, pense qu'il vaut mieux laisser les choses dans le vague, c'est le moyen de ne pas donner prise à la critique. C'est le moyen de prouver facilement tout ce qu'on voudra. Ainsi fait-il. J'ai compris, dit-il, que définir la vaccine, le spécifique, l'antidote de la petite vérole, c'est sauter la possibilité de résoudre 10 problèmes que je pourrais indiquer. Au contraire, si l'on se met bien dans l'esprit qu'elle ne fait qu'en prendre la place, qu'elle en tient lieu, qu'elle en est le succès d'année, à l'instant toutes les difficultés, s'aplanissent et la solution se présente comme d'elle-même. Et c'est tout, voilà tout le compte que peuvent vous rendre les vaccinateurs de l'action du vaccin, il tient lieu de la petite vérole, il en prend la place, il en est le succès d'année. Comme cela est simple, ni théorie, ni démonstration, ni preuve, c'est un mystère. Avouons que la doctrine est plus prudente que savante. Monsieur Bousquet échappa à la discussion, revenons à notre exposé. Nous avons appris aux vaccinateurs, le mode d'action de leur vaccin, nous avons dit qu'il resserre la peau, qu'il en rend les tissus presque imperméables. Or, voyez un peu comme cela est une bonne idée d'avoir rendu la peau imperméable à la variole. Razen nous enseigne que plus l'éruption de la petite vérole à la peau est facilitée par des dispositions naturelles ou factices, moins la maladie est à craindre, que la mollesse des fibres de la peau, les pores plus nombreux, plus ouverts, l'état de relâchement de son tissu, sont les conditions les plus favorables à une heureuse éruption, qu'ainsi, à raison égale dans les circonstances extérieures physiques, l'enfant, par ce fait, court moins de risques que l'adulte, l'adulte que le vieillard, la femme moins que l'homme. Il était donc d'observation acquise pour les anciens que tout, ce qui est capable de rendre le tissu de la peau plus resserré, plus compact, plus dur, est un obstacle à l'éruption de la petite vérole, et rend cette maladie plus meurtrière. Ils avaient remarqué que le froid du nord empêche quelquefois la petite vérole de se développer d'une manière normale, que la dureté de la peau des vieillards est un obstacle à l'éruption. Aussi par leur traitement, les anciens obviaient-ils de leur mieux à ces dispositions mauvaises de la peau, ils cherchaient par tous les moyens à en ouvrir les pores, à la ramollir. Or, nous, tout au contraire, nous vaccinons, et le vaccin agit sur la peau, comme agirait une couche de vernis très épais, il enferme pour ainsi dire tout l'organisme capillaire et dermique dans une espèce d'armure. Chapitre 2. Varioloïde ou petite vérole chez les sujets vaccinés. La peau, ainsi endurcie par le vaccin, lorsque la petite vérole veut se produire, vainement la nature fait son office, vainement elle charge les vaisseaux de l'expulsion de la lymphe surabondante, vainement le sang en fermentation tient en solution, la matière tuberculeuse qu'il cherche à expulser, les conduits destinés à l'élimination variolique sont engorgés, les orifices sont fermés, le tissu de la peau, resserré par l'action du vaccin, résiste et maintient de vive force dans l'organisme ces matières impures. Heureusement, quelquefois la nature l'emporte par une sorte de violence sur le vaccin usé. En effet, le vaccin ne cède pas, la nature presse l'obstacle, les conduits ne s'ouvrent pas, ils sont forcés, les mailles de la peau sont rompues, alors la petite vérole se fait en produisant des déchirures irrégulières, plus larges que dans les circonstances normales. Les pustules circulaires d'habitude, dont la matière dans ce cas n'a pas été expulsée par les conduits cylindriques, tels qu'ils doivent être naturellement, mais par des conduits oblitérés ou déchirés, les pustules sont difformes. Pour l'honneur du vaccin, les vaccinateurs ont appelé cela varioloïde. À les en croire, c'est une maladie nouvelle. Ce phénomène prouve à n'en pas douter, que le vaccin ne se substitue pas à la petite vérole, il est une preuve incontestable de l'action spéciale du vaccin sur la peau. Car il n'y a là de nouveau que la forme des déchirures, c'est toujours la variole, mais la variole de vive force, la variole à qui l'on a fermé portes et fenêtres, et qui s'échappe par des brèches. L'expérience le prouve, le virus de varioloïde produit toujours, soit une variole, soit une varioloïde, et vice-versa, selon qu'il est transmis à un sujet non vacciné ou à un sujet vacciné. Mais qu'importe au vaccinateur ? Voici sur la varioloïde, la théorie très claire donnée par M. Bousquet, le propre de la vaccinée, comme on sait, d'épuiser l'aptitude à la variole. Toutefois, il est d'expérience que cette aptitude épuisée pour un temps renaît souvent en partie. Supposez que le germe de la variole vienne à tomber sur une de ces organisations, croira-t-on qu'il restera dans l'inaction ? Non, il s'échauffera, il germera, il fructifiera jusqu'à concurrence de l'aptitude qu'il rencontrera. Ainsi se forme la variole des vaccinés. Jugez. Du reste, disons-le en passant, sans parler d'ingénieuses explications dans le genre de celles que nous venons de citer, rien n'est plus burlesque que ce débat entre vaccinateurs, ces querelles et ces concessions de ménage au sujet de cette question de la varioloïde. En effet, la variole se produisait malgré le vaccin, le fait était avéré. Les uns disaient, et nous parlons d'après M. Bousquet, les uns disaient, ce sont des varicelles, les autres, c'est la variole, faisons des aveux. Les choses ne pouvaient en rester là, il fallait qu'on s'entendît en public, où la cause du vaccin était perdue. On tâcha donc de ramener les adversaires à des sentiments plus doux, on dit aux uns et aux autres, vous exagérez. Aux varicellistes, on dit, voyons, accordez-nous que ce sont des varioles écourtées. Aux variolistes, ne soyez pas absolus, pourquoi ne serait-ce pas des varicelles prolongées ? Tout cela calmait le débat, mais ne suffisait point à constituer l'union des vaccinateurs, union si nécessaire à la puissance du vaccin, quand enfin on imagina la varioloïde, c'est-à-dire ni varicelle ni variole, éruption intermédiaire, terrain neutre sur lequel tout le monde se réunit et d'où l'on recommença à défendre pied à pied contre l'évidence les vertus du vaccin. Mais reprenons, nous avons observé le premier cas, le meilleur, le moins malheureux du moins, la varioloïde. Le vaccin était le plus faible, la peau ne présentait pas une résistance suffisante à l'action interne, la variole sortait avec effraction, s'évada en quelque sorte. Fort bien, mais maintenant voyons le second cas, cas grave, cas désastreux, le vaccin l'emporte. La peau résiste, vainement les conduits sécréteurs sont engorgés, ils restent engorgés. La matière dont l'économie veut à toute force se débarrasser, cette matière qui montait comme une écume à la surface du corps, ne trouve aucune issue, la nature ne peut accomplir son œuvre, il n'y a ni variole, ni varioloïde. Qu'arrive-t-il ? Quand la matière variolique est maintenue de vive force à l'intérieur, comment s'y comporte-t-elle ? Agit-elle sur les organes ? Comment agit-elle ? Quels organes affectent-elles particulièrement ? Enfin, que se passe-t-il dans l'économie embarrassée de cette matière variolique, que la prévoyante nature veut expulser ? En un mot, la variole n'a pas lieu, les vaccinateurs triomphent, que se passe-t-il ? Voici. Cette surabondance de l'invicier repoussé de la circulation lymphatique qui la portait à la peau, revient dans le canal thoracique, et de là est versée dans la veine sous-clavière. Le tissu des vaisseaux lymphatiques se perd dans la membrane de Chalmé. C'est là la base de la théorie à laquelle l'approbation de Nink a donné un certain poids. Dès lors elle se mêle au sang, et lorsque ce fluide passe dans le poumon pour subir la double élaboration, qui le convertit de sang veineux en sang artériel, il se produit un phénomène tout particulier, cette lymphicier se trouvant en quantité anormale, c'est-à-dire trop abondante pour que la transformation du sang puisse se faire, une partie en est séparée et retenue dans le poumon où elle s'épaissit. Se concrète et devient le rudiment des tubercules. D'autres fois portées et déposées sur les autres points de l'économie par la circulation, ces tumeurs varioliques prend, selon certaines dispositions variées de l'organisme, la nature tuberculeuse, scrofuleuse, cancéreuse ou couenneuse. Mais, le plus ordinairement, la petite vérole se développe à l'intérieur et donne lieu à ces innombrables varioles internes, ou fièvres typhoïdes dont les épidémies sont si cruelles de nos jours.